promet tout de même de saisir dans les meilleurs délais les médecins afin d'intervenir dans cette localité. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago de Bururi. Nous nous rendons à Muyinga où plus de 20 tonnes de calcaire de l'omitique ne sont pas encore retirées par les agriculteurs qui les ont commandées en province de Muyinga. À la direction de l'agriculture et de l'élevage de cette province, on indique qu'un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé aux agriculteurs pour récupérer l'engrais commandé et ce calcaire corrigeant l'acidité des sols, cependant peut utiliser dans cette province. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. 25 tonnes d'olomi restent dans les dépôts après l'expiration des délais de paiement dans le cadre du programme national de subvention des engrais chimiques. Ce produit corrige l'acidité des sols. Jean Bosco Ndayizé est chargé de la mobilisation agricole à la province de Muyinga et invite les agriculteurs à continuer à récupérer les engrais commandés et ce calcaire dolomitique. Un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé. D'après son responsable, une partie des agriculteurs n'ont pas encore adopté l'usage de la dolomie à part ces tonnes non encore récupérées. Au total, 251 tonnes avaient été commandées, moins de 50% des besoins au regard de la carte sur l'ampleur de l'acidité des sols dans cette province. Environ 30% des sols cultivés sont acides au Burundi au regard d'une étude faite en 2013. L'acidité affecte la disponibilité des éléments nutritifs pour les racines, diminue l'activité microbienne dans le sol et donc la vitesse de minéralisation et enfin diminue le développement des racines et la croissance des plantes. D'où le besoin de continuer la fertilisation des sols tout en appliquant cette dolomie avec un grand pouvoir de neutralisation de l'acide. Dieudonné Nzeimana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana. En page politique, le parti Sawanya Fodebunyakuri a débuté ce lundi une semaine dédiée à la démocratie. Kefani Bizi, président de ce parti, indique que cette semaine sera une occasion de rappeler les principes démocratiques qui commencent à disparaître dans ce pays. Il a été appelé par Placide Niyomungere. Nous avons pensé qu'il faut ouvrir une semaine dédiée à la démocratie au cours de laquelle nous allons mener des réflexions. D'abord, on rappellera les différentes périodes de la crise démocratique au Burundi, on montrera quelles sont les conséquences, quels sont les acteurs, quelles sont les motivations de ces crises et surtout, il fallait réfléchir sur les voies à prendre pour cimenter la démocratie dans les consciences de la masse burundaise. Voilà pourquoi nous avons pensé à ouvrir une semaine dédiée à la démocratie. On commence à cette date parce qu'il s'agit d'une semaine au cours de laquelle nous allons commémorer l'assassinat de l'héros de la démocratie. Sur quoi vous êtes basé pour dire que la démocratie tend à se diriger vers une situation qui est critique? Nous sommes basés sur des faits réels. Vous savez qu'il y a deux échéances électorales qui viennent de se passer, où il y a certains politiciens qui boycottent les élections et qui commencent à chercher le pouvoir par la violence. Il y en a même ceux qui ne connaissent pas jusqu'à maintenant les institutions issues des urnes. Ce sont tant d'éléments qui montrent que nous risquons de retourner en arrière. C'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il faut encore réfléchir pour trouver des voies et moyens pour garder les principes de la démocratie. Kefa Nibizi, président du parti Sawanya Frodebunyakuri, répondait aux questions de Placide Niyomungere. Sur la page sport, l'équipe Vitalo a décroché ce samedi la première victoire à la sixième journée depuis le début du championnat national en première division. C'est après que cette équipe ait perdu le premier match du championnat et égalisé 4 fois d'affilée. Cela étant, les formations Atletico Olympique et l'Idéal Ludique Burundi ont perdu leur match de ce dimanche sur la pelouse du Prince Louis Gwagasore. L'actualité sportive est signée Balin Javiarimana. Le championnat national de football, Premier League, était ce week-end en sa sixième journée. Samedi 15 octobre, 6 matchs ont eu lieu dans différents terrains à travers le pays. Au stade Prince Louis Gwagasore, à 14h, Interstar, deuxième au championnat, a battu Rusizi de Chibitoke sur un score d'un but à 0. À 16h, au même stade, l'équipe tenante du titre, Vitalo FC, a douché Muzinga sur un score de 4 buts à 1. Cette victoire de Vitalo, la première depuis le début du championnat, l'a permis de gagner 5 places.